France Inter, franceinter.com. On l'a appris il y a tout juste quelques semaines, l'un des plus importants marchands d'armes au monde, en tout cas l'un des plus connus, a été arrêté aux États-Unis. Jacques Monsieur, citoyen belge résidant en France, a été inculpé par un grand jury pour conspiration. L'administration américaine lui reproche en effet d'avoir tenté d'exporter illégalement des pièces détachées d'avions de combat vers l'Iran, un État frappé d'embargo par Washington. C'est une accusation très grave dans un pays où l'on ne plaisante pas avec ce genre d'affaires. Le trafiquant encourt une peine de 65 ans de prison. Cette arrestation pourrait donc sonner l'âge de la retraite, une retraite forcée, pour un homme qui a joué un rôle occulte dans la plupart des conflits armés de ces trois dernières décennies. Mais le mystère qui entoure le personnage de Jacques Monsieur, sera-t-il dissipé pour autant? Pas sûr. L'homme est habile et détient encore de nombreux secrets. Ses liens avec les services de renseignement de nombreux États n'ont jamais vraiment été éclaircis et bien conseillés par quelques avocats éminents. Il n'est pas exclu qu'il puisse une fois de plus échapper à une détention de longue durée, comme il l'a déjà réussi en Iran, en Turquie, en Belgique et en France. Il était donc tentant pour M. X de retracer la carrière du marchand d'armes et de mettre en lumière quelques vérités très embarrassantes. Je suis dans une drôle de situation. 40 de fièvre et de rage. Mais quand te donne, tu sais, c'est du plomb. Dans l'air, une voix de garage. Avec mon empire, si vite qu'il se tire. Sans un sujet qui l'inspire. Avec mon nuage, ma bulle, mon visage. Tu m'as rayé du passage. C'est pas une drôle de situation. 40 degrés, c'est pas bon. C'est presque final comme solution. Presque pas normal au fond. Avec mes médailles en toc, ma ferraille. Tu m'as laissé sur la paille. Et puis cette rancœur, si dure, elle fait peur. Tu m'as laissé sans une fleur. Je t'ai suivi, petite horloge. À ton profil, j'accrochais. À l'endroit même où se trame cette menace sur ma nation et mon armée derrière qui rame. Avec ta machine de guerre qui dessine le prétendant qui s'affirme. Avec ta faucille, ton marteau en vrille, tu m'as repris ce qui brille. Je t'ai suivi, petite horloge. À ton profil, j'accrochais. relation. C'est pas une drôle de situation. Je suis dans une drôle de situation. Vous savez combien les coïncidences suscitent immédiatement chez moi une grande méfiance. Alors, considérez celle-ci. En 1993, lorsque Jacques Monsieur, en délicatesse avec les autorités belges, décide de s'installer en France, il achète une belle propriété à Lignières. Ah, c'est une localité du Biarritz que je connais bien. Son voisin, qui devient un ami, est un certain James Andanson, un célèbre photographe spécialisé dans le people, comme on dit aujourd'hui. C'est tout aussi le photographe préféré de Pierre Bérégovoy. C'est exact. Mmh. En mai 2000, Andanson, comme vous ne l'ignorez pas, sera retrouvé calciné dans sa voiture sur le plateau de Larzac. Mmh. Un suicide. En principe, oui. Et pourtant, jamais on a pu expliquer pourquoi cet homme fortuné et apparemment heureux avait choisi de se donner la mort. Mais comme Pierre Bérégovoy qui avait noué des relations amicales avec le paparazzi. Hein. Ben, vous n'allez quand même pas faire un lien entre toutes ces affaires. Sans doute. Mais avouez qu'il y a pourtant de quoi s'interroger. D'autant que pour nombre d'experts, le suicide d'Andanson est très suspect. Bah, celui de Bérégovoy est aussi fréquemment remis en cause. Je sais, mais sur ce point précis, personne ne m'a encore convaincu que la mort du Premier ministre de François Mitterrand aurait pu être un assassinat. Alors passons. Dernière coïncidence, mais elle n'est guère étonnante, c'est aussi dans le Berry que sont installés quelques fleurons de l'industrie française de l'armement. Mmh. Luchère autrefois. Hein. Et Giat, industrie aujourd'hui. Je me bornerai à rappeler que la société Luchère, absorbée ensuite par Giat et sa filiale Nexter, a été au cœur de l'Irangate à la française. C'est-à-dire la vente illégale et clandestine hein, de considérables quantités d'obus à l'Iran lors de la première guerre du Golfe. Hein. Mais il n'y avait pas que Luchère. Une société publique, la SNPE, Société Nationale des Poudres et Explosifs, a aussi été de la partie. Et tout ça avec l'accord de Paris, j'imagine. Bien entendu. Ouais. Je suis sûr que notre homme n'a pas été tout à fait étranger à ces affaires troubles. D'autant qu'il a joué un rôle dans l'Irangate américain. Mais j'y reviendrai plus loin. Mais en attendant, quelques mots sur cet étrange Jacques Monsieur. Une précision d'abord. Quand on évoque désormais un trafiquant d'armes international, on pense tout de suite au film d'Andrew Niccol. Oui, The Lord of War, hein, avec le flamboyant Nicolas Cage. C'est cela. Mais rien ne ressemblant avec Jacques Monsieur, celui qu'on a aussi appelé le renard ou le maréchal, aspire avant tout à passer inaperçu et son physique est parfaitement ordinaire. Ce petit homme blond et distingué, aujourd'hui âgé de 56 ans, est vêtu de façon classique, cravate et costume de bonne coupe, et il arbore des lunettes au verre légèrement fumé. Seule concession à la légende, il porte parfois un imperméable modèle agent secret. Ça me rappelle quelque chose. Hein. Je vous en prie. En tout cas, vous aurez compris que le bonhomme est discret. Il déteste se faire photographier. Et lorsqu'il sera jugé dans son pays, en Belgique, il obtiendra du tribunal que les débats se déroulent à huis clos et les photographes seront évacués. Ouais, ce qui montre aussi que son influence n'est pas négligeable. Hein. Ah, ça me paraît incontestable. Jacques Monsieur est donc né en Belgique, dans une bonne famille flamande. Son père, je crois, était notaire. Enfin, peu importe. Le jeune homme, après des études de droit à l'université de Louvain, s'engage dans une école militaire. Une vocation ? Ah, ben ça, je n'en sais rien. Mais il doit donner satisfaction à ses supérieurs, puisqu'à la sortie, il obtient ses galons d'officier de réserve. Et ensuite ? On le retrouve au Portugal, où pendant 2 ans, il s'initie à l'art équestre avec un célèbre écuyer. Oliveira ? Lui-même. Ah. Vous l'avez connu ? Non, mais j'ai eu la chance de le voir travailler. Enfin, bon, après 2 ans chez Oliveira, là, ça doit être un excellent cavalier. Et un passionné d'équitation. Dans le Berry, il sera même éleveur de chevaux, et ce ne sera pas seulement une couverture pour dissimuler ses autres activités. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être au Portugal qu'il est entré en contact avec un service secret états-unien. Ah, la CIA ? Non, plutôt la DIA, c'est-à-dire le service de renseignement de l'armée. Mais qu'est-ce qui peut intéresser les espions américains chez ce jeune homme qui ne pense qu'aux chevaux ? C'est un officier de réserve, ne l'oubliez pas. Et après ses 2 années de congé sabbatique et équestre, monsieur va rempiler. D'autre part, vous savez bien qu'en ces années-là, les Américains s'intéressent beaucoup à la Belgique, ventre mou de l'Europe. Et qui accueille le siège de l'OTAN. Hein. Et là-bas, comme en Italie ou en Turquie, nous en avons parlé récemment. On va observer la montée en puissance d'une stratégie de l'attention. Avec des attentats ou des crimes commis parallèlement par l'extrême gauche et l'extrême droite. L'Iran en particulier, ces fameuses tueries du Brabant. Une affaire qui, je vous le rappelle, n'a toujours pas été éclaircie et qui ne le sera sans doute jamais à cause de la prescription qui court désormais. Ouais. Mais il est à peu près certain que le Gladio, avait infiltré la gendarmerie belge et les organes de renseignement. D'où le soupçon qui pèse toujours sur les services secrets américains. En tout cas, vous voyez que le recrutement d'un jeune officier belge prometteur pouvait intéresser la DIA. D'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, Jacques Monsieur, de retour dans son pays, est approché par les services belges. Oui, il est recruté comme agent. Enfin, il l'a toujours laissé entendre, mais n'a jamais produit aucune preuve. Il faut bien comprendre que pour lui, affirmer qu'il est un agent de renseignement lui sert de système de défense. Quand on lui reprochera de vendre illégalement des armes, il rétorquera qu'il n'a fait qu'obéir à ses employeurs. Et entre parenthèses, ça lui permettra de mouiller pas mal de services secrets, tant belges que français, états-uniens et même israéliens. Il aurait donc été multicarte. Ah, c'est ce qu'il a toujours prétendu. Mais je sens là que vous avez des réserves. Oui. Cependant, je n'exclus nullement que monsieur ait été très régulièrement un informateur des services secrets. C'est quand même très différent. Mais honorable correspondant, en somme. C'est ça. Et ça s'explique assez bien. Quand on fait le métier de monsieur pendant de si longues années, on accède forcément à des informations très sensibles. Ah, et ça peut intéresser les services de renseignement. Et contre la communication de ces informations, on peut demander à bénéficier d'une couverture ou à tout le moins d'une sorte d'impunité. C'est un peu le système des indics de la police criminelle. Ça y ressemble, oui. Mais on en reparlera, car cette question se trouve forcément au centre de ce dossier. J'ajoute une seule précision avant de poursuivre. Bruxelles était alors, au temps de la guerre froide, un véritable nid d'espions. Et naturellement, la présence du siège de l'OTAN y avait sa part. Ouais. Quand monsieur entre-t-il dans la carrière, si j'ose dire? Il semble bien que c'est la guerre Iran-Irak qui lui a permis de faire ses premiers pas dans le commerce des armes. Mais j'imagine qu'on ne s'improvise pas marchand d'armes. Il avait quoi, des prédispositions, des contacts? Je vais être franc, je n'en sais trop rien. A-t-il été poussé dans cette voie par ses contacts dans les services de renseignement? C'est probable, mais je ne peux pas en dire plus. Les services belges ou états-uniens alors? Bon, la différence n'est pas énorme. À cette époque, les Belges n'avaient pas grand-chose à refuser aux Américains. Et quoi qu'il en soit, il faut noter qu'il a donc commencé avec l'Iran, et que c'est aussi l'Iran qui a peut-être provoqué la fin de sa carrière. Iran où il passera aussi de longs mois en prison et au secret, mais n'allons pas trop vite. En tout cas, au début des années 80, il débarque un beau jour à Téhéran avec dans ses valises de très beaux catalogues de matériel militaire. Et ça non plus, ça ne se trouve pas au coin de la rue. Surtout lorsqu'il s'agit d'équipements très sophistiqués comme des systèmes radars ou des missiles dernier cri, et j'en passe. Monsieur proposera aussi à la vente des hélicoptères et des pièces détachées d'avions ou de blindés. Rien que du lourd. Il faut bien appâter le client. Non, plus sérieusement, il est certain que Jacques Monsieur, lorsqu'il a débarqué à Téhéran, avait une connaissance précise des lacunes en matériel des Iraniens, qui étaient alors engagés dans une terrible guerre contre leurs voisins irakiens. Il savait d'abord que l'armée, qui, du temps du Shah, avait été essentiellement équipée en matériel états-unien, avait un besoin urgent de pièces détachées pour leurs chasseurs F-4 ou leurs blindés. Oui. Encore fallait-il avoir été parfaitement informé. Et avoir la possibilité d'acquérir ces matériels. Et ensuite, de pouvoir les acheminer en Iran, malgré les embargos. Et ça, c'était encore une autre affaire. Dans un excellent roman à clé, le premier principe, le second principe, Serge Bramley a imaginé un personnage de marchand d'armes, Richard Drouin, qui par bien des côtés ressemble à Jacques Monsieur. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire cet extrait au cours duquel Bramley trace un portrait de son personnage. C'était un petit homme sympathique. Diverses fossettes creusaient son visage chaque fois qu'il souriait. Il possédait aussi des yeux pétillants derrière des lunettes à monture métallique, de bonnes joues fraîches que parfumait un aftershave au santal, un crâne déjà déplumé et une moustache poivre et sel, laquelle, loin de le vieillir ou de conférer de la sévérité à ses traits, lui donnait un air puéril, inoffensif, qui secondait à merveille le travail des fossettes. On eût dit une moustache de nain de jardin. Mr. Joyful, Monsieur Joyeux, tel était d'ailleurs le sobriquet dont le gratifiaient nos cousins d'Amérique. J'ajoute que dans ce roman publié en 2008 par la Thèse, on trouve aussi un célèbre photographe, Max Jameson, qui n'est pas sans rappeler ce James Andanson évoqué par Monsieur X au début de cet entretien. Comment votre Jacques Monsieur a-t-il pu passer outre tous ces obstacles que vous avez énumérés? Il est évident qu'il a été aidé, je dirais même puissamment aidé. Et donc par une organisation non moins puissante. Par conséquent, il est inutile de tourner autour du pot. Seul un service états-unien pouvait se trouver derrière. Avec les Belges comme intermédiaires. C'est ce que je crois. Ouais. Je veux bien accepter votre hypothèse, encore faut-il m'expliquer. Très simple. Et je vous fais remarquer que c'est un sujet que nous avons abordé il y a quelques semaines, lorsque je vous ai parlé de cette ahurissante histoire de la frégate Stark. Oui, un bâtiment américain gravement endommagé par des missiles Exocet tirés par un Falcon 50 irakien transformé en appareil militaire. Inutile donc d'y revenir. Non, le point capital que j'ai développé, c'est la volonté états-unienne de prolonger le plus longtemps possible cette première guerre du Golfe entre Iraniens et Irakiens. Ni vainqueur, ni vaincu, m'avez-vous dit. Et entre parenthèses, tout bénéfice pour les industriels de l'armement. À Washington, si on nourrissait une franche animosité à l'égard du régime des ayatollahs, en particulier à cause du risque de contagion islamiste dans d'autres pays de la région, on n'avait pas trop envie non plus que l'Irak devienne la principale puissance du Moyen-Orient. Ouais. Il fallait donc maintenir une sorte d'équilibre entre les belligérants. Exactement. Pour l'Irak, sorti bien vite de la liste des États voyous, ça n'était guère difficile. On pouvait lui fournir des armes sans susciter de réprobation internationale. Et puis il y avait la France, qui a longtemps été le principal pourvoyeur d'armes de Saddam Hussein. Par contre, en ce qui concerne l'Iran, c'était plus délicat. Après la malheureuse affaire des otages de l'ambassade américaine de Téhéran, la rupture était totale et les États-Unis avaient même pris des mesures d'embargo draconiennes pour toute exportation en direction de l'Iran. Donc, si on voulait néanmoins aider les Iraniens, il fallait violer cet embargo. Et c'est l'origine de ce que l'on a appelé plus tard l'Iran Gate. Mais quand l'affaire a été découverte. Assez tardivement d'ailleurs, au milieu des années 80. Entre-temps, les Américains avaient pu faire passer aux Iraniens des quantités considérables de matériel. Alors, je vous l'ai dit, le réseau clandestin mis en place pour assurer ces livraisons passait par Israël. Et pourtant, l'Iran n'était guère tendre pour l'État hébreu. C'est juste. Mais les dirigeants israéliens ont toujours su faire preuve d'un grand pragmatisme. En l'occurrence, ils ont choisi leur meilleur ennemi, l'ayatollah Khomeini. Oui, parce qu'il luttait contre Saddam Hussein. Dont le pays était plus menaçant à terme à cause de sa relative proximité géographique avec leur propre territoire. Par conséquent, ils n'ont eu aucun scrupule à livrer des armes à Téhéran. Des matériels puisés dans leur propre stock. Et immédiatement remplacés par les Américains. Mais pour mettre sur pied un aussi gigantesque trafic, il fallait aussi des petites mains. Et c'est là qu'est intervenu Jacques Monsieur. D'accord, mais quel a été son rôle exact? Il a accompli ce que pouvaient difficilement faire les Américains et les Israéliens. C'est-à-dire qu'il s'est rendu en Iran et qu'il a pu nouer des contacts directs avec les décideurs iraniens. Il est donc devenu un acteur de l'Iran Gate, lui. Aux côtés du cowboy Oliver North et de quelques autres. Ça lui a permis de se constituer un solide carnet d'adresses en Iran. D'autant que beaucoup de gens qu'il a connus ont ensuite grimpé dans la hiérarchie du régime. Ouais, petit ayatollah devient grand. Et monsieur a-t-il joué aussi un rôle dans l'Iran Gate français? C'est probable. Au fond, c'est pratique d'être belge. Je ne sais pas comment il faut prendre votre remarque, mais je voudrais attirer votre attention sur un autre point. Quand on vend des armes à un pays, on récolte en même temps des renseignements très importants sur la situation militaire du pays. des renseignements en creux, si vous voulez. En creux, c'est-à-dire ? Eh bien, on découvre, par exemple, quels sont les points faibles du pays en question. Ouais. En matière d'équipement militaire. Bien évidemment. Et ça, ce sont des informations dont les services secrets sont très friands. Autre aspect, qui n'est pas négligeable, monsieur s'est donc fait des amis en Iran. Et parfois, il n'existe plus grande différence entre un ami bien renseigné et bavard et un espion, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur aurait donc pu recruter des agents. Et sans doute même leur proposer de solides rétributions. Après tout, dans n'importe quelle affaire de vente d'armes, il y a les pots de vin. Alors un peu plus, un peu moins. Et puis à partir du moment où l'on paye, ben on tient les gens. Ah, des obligés, oui. Je suis certain que monsieur a dû distribuer pas mal d'argent. Indirectement, bien sûr. Et presque toujours sur des comptes bancaires ouverts hors d'Iran. Ouais. En tout cas, ce que vous me racontez là accrédite la version monsieur agent de renseignement. C'est vrai. Et dans son histoire, la frontière est souvent bien mince entre son petit commerce et le travail d'espionnage. Mais je reviens à cette affaire de recrutement d'agents. Avez-vous un exemple ? Oui, oui, oui. Notre homme a été à l'origine du recrutement d'un général iranien. Un type qui est devenu une taupe américaine. Mais après de longues années de double jeu, il a fini par être démasqué et condamné à mort. D'ailleurs, les ennuis qu'a connus plus tard monsieur en Iran ne sont peut-être pas étrangers à la découverte de cette taupe. À moins que ses activités et ses rencontres avec ses amis iraniens ne l'aient amené à approcher de trop près de redoutables secrets. Quoi ? En matière nucléaire, par exemple. Mais nous verrons tout cela de plus près. Pour l'instant, restons dans les années 80. Il m'étonnerait que monsieur, qui était à tu et à toi avec de nombreux piliers du régime des ayatollahs, n'ait pas eu vent de l'embarrassante question des otages occidentaux au Liban. Aujourd'hui comme hier, pour les gens qui savaient, il apparaît évident que les ravisseurs opéraient directement sur ordre de Téhéran. Oui, via le Hezbollah libanais. Oui, il s'agissait pour les ayatollahs de faire pression sur les gouvernements occidentaux afin qu'ils cessent de soutenir l'Irak. Il en a été de même pour quelques attentats. En particulier les attentats qui ont frappé Paris en 1986. S'y ajoutait aussi, en l'occurrence, la question de la dette française dans l'affaire Eurodif. Oui, le contrat nucléaire passé avec l'Iran du temps du Shah est jamais honoré par la France. Oui, mais enfin, ne nous éloignons pas trop. Ouais. Vous parliez des otages, là. Là encore, je n'ai pas de certitude, mais monsieur Gras, grâce à ses contacts à Téhéran, était certainement un des personnages les mieux placés pour obtenir des informations et peut-être même agir en vue d'obtenir la libération des otages. Ouais, mais vous n'en savez pas plus. Non. Et ce dossier a donné lieu à tellement de manœuvres et de manipulations diverses qu'il est difficile de cerner la vérité. Et ça m'amène à vous parler d'un coup fourré dont a été victime Jacques Monsieur. Une très curieuse histoire. Racontez alors. En 1986... les douanes belges mettent la main sur une valise appartenant à un citoyen israélien qui possède aussi la nationalité sud-africaine, un certain David Benelli. Et en ouvrant ce bagage, ils découvrent une vraie malle au trésor. S'y trouvent en effet de nombreux documents faisant état d'achats et de ventes d'armes. Mais il y a aussi des imprimés vierges, des administrations suisses et sud-africaines, et des négatifs permettant de reproduire des cachets de différentes douanes. Mais c'est une panoplie de faussaires. Et de marchands d'armes, se jouant des lois existantes. Car il y a aussi dans la valise des documents très précieux, des certificats de non-réexportation. Ces papiers sont délivrés par des pays qui assurent être les vrais destinataires des équipements militaires qui sont exportés. Mais en réalité, ces certificats ne servent qu'à abuser légalement les services douaniers. Oui, car les armes sont ensuite livrées ailleurs. Ces papiers ont donc une grande valeur, car ils permettent de se jouer des embargos. Oui, mais le rapport avec monsieur, là ? Non seulement les documents de la valise font mention du marchand d'armes, mais l'enquête permet d'établir que ce Benelli était hébergé à Bruxelles dans des locaux appartenant aux Belges. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Laurent Léger est assurément le journaliste qui a approché au plus près le mystère Jacques Monsieur. Dans son ouvrage « Trafic d'armes, enquête sur les marchands de mort », il consacre plusieurs pages aux Belges, extraits sur les débuts commerciaux du trafiquant. Le marchand d'armes a démarré son business via sa société Matimco. Enregistré en 1980 au registre du commerce de Bruxelles, cette société, qu'il a reprise à un homme d'affaires, dispose, selon les documents déposés en registre du commerce, d'un curieux objet social. L'importation et commerce de gros de confection pour dames, messieurs et enfants. Intermédiaire commercial, bureau d'études et de conseil. On rêve. La société, qui sert donc de couverture aux discrètes activités du trafiquant, est enregistré comme entreprise textile. Il utilisera également d'autres sociétés, en fait, de simples coquilles telles que la nébuleuse CIC Benelux, dont il dit être le représentant, elle-même liée à CIC USA et CIC Madrid, ou une structure enregistrée dans le paradis fiscal de Guernesey, Globian International Trading. Monsieur est donc étroitement lié à ce Benelli, citoyen tout à la fois israélien et sud-africain. Incontestablement. Il a même été révélé que les deux hommes s'étaient associés pour vendre des lance-grenades à la Chine. Une opération qui a permis de mieux comprendre les systèmes mis au point par monsieur. Attendez, avant d'aller plus loin là. La Chine après l'Iran. Alors monsieur a élargi le cercle de ses clients. Et ce n'est qu'un début, vous le verrez. Alors pardon, je vous ai interrompu là. Je vous parlais de la méthode monsieur. Les lance-grenades fabriquées en Belgique étaient métamorphosées en matériel de signalisation maritime au moment d'être embarquées sur un cargo qui prenait la mer en direction de la Chine. Un camouflage. Et sans doute même quelques pots de vin distribués aux gabelous afin qu'ils ne se montrent pas trop curieux. Ouais. Ce qu'ils n'ont pas fait, par contre, en fouillant la valise de Benelli. Hein. Mais dans ce cas précis, les douaniers belges ont peut-être bénéficié d'un tuyau. Vous voulez dire que quelqu'un voulait qu'on fouille cette valise? Ça me paraît évident. Mais à qui alors? Un peu de patience. Intéressons-nous d'abord à ce Benelli dont le vrai nom est Azoulay. Ce personnage, né à Casablanca, est un ex-officier de Tzahal. Et il a été chef de sécurité d'Alal. Oui, la compagnie aérienne israélienne. J'ajoute que son frère a appartenu au Mossad, où il a occupé de très hautes fonctions. Oui, je vois où vous voulez en dire, là. Ce David Azoulay, alias Benelli, est lui aussi un agent du Mossad. Évidemment. Et son association avec monsieur n'est guère étonnante, puisque les Israéliens ont joué les intermédiaires dans l'affaire de l'Iran Gate. Alors, si je résume, hein, monsieur, depuis qu'il s'est lancé dans les affaires, a noué des relations avec les services secrets belges, états-uniens et israéliens. C'est la vérité. Et pour ne parler que de ces derniers, monsieur a aussi représenté à Bruxelles une société de sécurité israélienne. Ouais, et le genre de société qui dissimule parfois des activités peu avouables. Ou en tout cas clandestines. Ouais. La découverte du contenu de la valise ne devrait pas être sans conséquence pour les deux associés, non? Surtout pour monsieur qui est resté en Belgique, car Azoulay Benelli, lui, a déjà filé. Curieux, non? Vous insinuez là qu'il s'attendait à ce que la douane découvre la valise. Bon, encore une fois, ça me semble évident. Et pour comprendre, il faut revenir à la date où cette malle au trésor a été découverte, 1986, l'année même où le scandale de l'Iran Gate a éclaté aux États-Unis. Ouais. Et comme vous ne croyez pas aux coïncidences, hein, mais pourquoi le Mossad aurait-il mis les douanes belges sur la piste de monsieur? Le trafic vers l'Iran avait pris fin avec les révélations faites aux États-Unis. Alors, il convenait peut-être de couper les branches mortes et inutiles. Et même de placer sur le devant de la scène quelques boucs émissaires. Dont monsieur? Je trouve que ça se tient pas mal. Car il ne faut pas oublier que de très hauts personnages étaient compromis dans l'Iran Gate, dont l'un qui occupait le bureau ovale de la Maison Blanche. Il fallait donc couvrir tout cela, tant aux États-Unis qu'en Israël. Monsieur avait le profil pour jouer les idiots utiles, comme le cow-boy Oliver North, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je viens, mais... Bon. Encore une fois, il ne s'agit que d'hypothèses. Hein. Je vous l'accorde. Alors, je reviens à l'une de mes questions précédentes. La découverte de la valise vaut-elle des ennuis à monsieur? On pourrait le penser. Et pourtant, non. La justice belge, bonne fille, le laisse tranquille. Et vous avez une explication ? À l'époque, monsieur connaît déjà beaucoup de beau monde en Belgique. Des officiers supérieurs de l'armée ou de la gendarmerie, des gens des services secrets ou de la sûreté. Alors certes, on le surveille et on s'intéresse à ses activités, mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin. C'est d'autant plus étonnant que le marchand d'armes ne se cache guère. Il a même installé ses bureaux en face du siège de l'OTAN. C'est peut-être plus pratique pour lui. Très certainement. Toutefois, au début des années 90, voulant échapper à la surveillance dont il est l'objet, ou voulant prendre quelques distances avec la justice de son pays, monsieur décide de s'exiler. Et il choisit la France. Oui, il achète donc une belle gentilhommière berrichonne au nom charmant, les Amourettes. Très joli. Et c'est désormais de là qu'il va diriger son commerce. Mais en même temps, pour satisfaire sa passion, il monte un haras et élève des chevaux. Officiellement, il est devenu agriculteur et en principe, au moins, il vit des revenus de ses terres et de la vente de ses poulains. C'est un sujet là que nous n'avons pas encore abordé, mais a-t-il gagné beaucoup d'argent ? Certainement. Son commerce d'armes lui a permis d'amasser une petite fortune, même si quelques clients se sont parfois fait tirer l'oreille pour le payer. Mais je dois dire aussi que les biens de sa famille lui assuraient déjà une existence très aisée. Je parlais des clients. Un détail qui va vous intéresser. Monsieur s'est toujours vanté de n'avoir jamais traité qu'avec des États et des gouvernements reconnus. Ah oui, et pas avec des guérillas, des terroristes ou des candidats putschistes, par exemple. Oui, et que voulez-vous, on peut être marchand de mort et avoir quand même de la moralité. Mais une fois installé en France, là, dans cette douillette demeure, est-ce qu'il change de méthode ? J'ai envie de vous dire qu'on ne change pas une méthode qui gagne. Cependant, c'est vrai. Monsieur veut encore donner une nouvelle dimension à ses activités commerciales. Et pour commencer, ce solitaire va constituer autour de lui une solide équipe. Il s'entoure donc d'hommes qui ont tous des entrées dans les grandes sociétés, les sociétés qui fabriquent et vendent des armes, ou encore des gens qui sont susceptibles de garantir ses arrières. Par exemple, hein, bon. Inutile de donner des noms, mais on va trouver dans ce petit groupe un ancien de la DST. Le service de contre-espionnage français, oui. Oui, ça peut toujours être utile. Il y a aussi le fils d'un ancien ministre de la Défense, de Valéry Giscard d'Estaing, qui a travaillé à l'aérospatiale, puis dans une entreprise qui fabrique des missiles. Ou encore un Français installé aux États-Unis qui fricote dans les milieux de vente d'armes sous la protection de la CIA. Et puis dans ce petit groupe se trouve aussi un loueur d'avions qui opère depuis la Suisse. Ça aussi c'est pratique. Hein. Et même un armurier parisien qu'on dit très proche de la DST. Ah ouais. Une équipe hétéroclite donc. Ah, mais très efficace. En outre, et ça c'est inévitable, il gravite autour de monsieur des personnages un peu moins recommandables. Un ex-légionnaire reconverti dans la sécurité, ou des individus souvent proches de l'extrême droite qui se sont reconvertis dans le mercenariat. Ouais, et ceux-là doivent accomplir les sales besognes. Vendre des armes, ça comporte des risques, surtout quand il faut les faire parvenir dans des pays en guerre où les dangers sont multiples. Or, et c'est ça qui va caractériser les activités de monsieur dans les années 90, le marchand d'armes va désormais jouer sa partie dans les conflits chauds. Et vous devinez sans peine lesquels. Ouais, dans ces années-là, c'est les Balkans. En priorité, oui. Mais il va aussi beaucoup s'intéresser à l'Afrique, où malheureusement, les occasions de vendre des armes sont presque innombrables. Mmh. Chaque monsieur se trouve donc maintenant à la tête d'une petite multinationale. N'exagérons pas, mais c'est vrai que si l'on accepte les États qui sont les grands marchands de mort de notre monde, monsieur est parmi les particuliers qui vendent des armes l'un des plus actifs et les plus demandés, car il s'est peu à peu taillé une grande réputation. Ah, oui. La moralité, toujours. D'où vient alors qu'il va ensuite connaître beaucoup d'ennuis ? Il s'est peut-être un jour senti trop fort ou trop malin, allez savoir. Mais si vous le voulez bien, on verra ça la semaine prochaine. Et je vous promets, vous aurez votre lot de surprises. À commencer par l'implication des services français dans ce douteux commerce. Des services pour lesquels monsieur n'a été qu'un pion parmi d'autres. Alors pour conclure, très provisoirement, je reviens au livre très documenté de Laurent Léger, publié par Flammarion. Il évoque une rencontre en 2004 avec Jacques Monsieur. L'homme a alors de sérieux soucis et Léger en parle ainsi. Un portrait qui pourrait aussi s'appliquer à d'autres trafiquants d'armes. Mal à l'aise dans la lumière, Embarrassé face à quelques certitudes, l'homme est fier, voire orgueilleux, ne supporte pas de remise en cause et met une énergie puissante au service de sa vérité. Il se voit en James Bond, dans sa version de l'agent œuvrant en secret à la sécurité des nations démocratiques. Cela arrangerait bien ses affaires de trafiquant empêtré dans les filets de la justice. Hélas, la réalité, sa réalité est plus grise. C'est celle de l'intermédiaire, marchand d'armes ou trafiquant, auquel les services d'État recourent parfois en secret pour les basses besognes ou qu'ils envoient au contact dans ces endroits de la planète que les agents officiels ne peuvent infiltrer. Ce sont ces middlemen, des intermédiaires, qui sont reçus par les chefs d'État, volent en jet privé, dorment dans les palaces et sont utilisés pour franchir les limites de la légalité en lieu et place des industriels et des États acheteurs. En cas de pépin, plus personne ne les connaît. Dans ce cas, c'est la disgrâce. Les remerciements pour services rendus prennent la forme de commissions impayées, de procédures judiciaires, de confiscation de comptes bancaires, voire de séjour en prison. Je vous rappelle le titre du roman de Serge Bramly paru chez Lattès, Le premier principe, le second principe, à samedi prochain pour la suite de cet extraordinaire récit. Sur franceinter.com, vous pourrez communiquer avec nous, nous demander tous les renseignements que vous désirez. Et merci à Valérie Ayestaraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, on va sous l'arbre. C'est au nom de mon amour de Denis Chessou.